quand les bateaux s'en vont au loin. J'ai dans la tête un grand jardin. Je pars et je reviens, du sable dans les mains. Quand le vent se lève sur la plage, j'ai dans le cœur un grand village. Les vagues portent les âges, la Normandie nous repeint le large. Pointez le nez vers l'horizon, respirez, ouvrir ses poumons. Écartez les bras en croix, la Normandie a des ports de roi. Par les chemins sous le ciel normand, on rencontre de drôles de gens. La goutte de cidre à la moustache, la soupe chaude au port d'attache, le toit de chaume a des souvenirs. Il te les raconte pour guérir. La verdure est un symbole, on fait l'amour dans l'herbe folle. Viens, dans le bocage il y a de la vie. Viens, les petites vieilles ont le sourire joli. Viens, y a plus la guerre, vivons la liberté. En Normandie, faut débarquer. Par les chemins de mélodie, on rencontre de vrais pays. La blouse grise et la craie blanche se reposent ces dimanches. Les vieux n'ont plus de courbatures, les enfants chantent dans l'école. Le curé a posé son étole, la bonne fait ses confitures. Viens par les chemins de Normandie. Viens, il y a de la mousse dans les ornières. Viens, l'eau est fraîche à la rivière. Cœur à corps en Normandie.